Acte troisième, Ruy Blas. La salle dite salle de gouvernement dans le palais du roi à Madrid. Au fond, une grande porte élevée au-dessus de quelques marches. Dans l'angle à gauche, une tapisserie de haute lisse. Dans l'angle opposé, une fenêtre. À droite, une table carrée revêtue d'un tapis de velours vert autour de laquelle sont rangés des tabourets pour 8 ou 10 personnes correspondant à autant de pupitres placés sur la table. Un côté de la table est occupé par un grand fauteuil recouvert de drap d'or et surmonté d'un dais aux armes d'Espagne timbré de la couronne royale. À côté de ce fauteuil, une chaise. Au moment où le rideau se lève, le conseil privé du roi va prendre séance.